15:34, activation, dictée. Forme de l'imparfait. Révision. Écoutez et complétez. Vous entendrez le texte deux fois. Spleen. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir à la terrasse de l'escolier? Vous attendiez quelqu'un? Vous aviez l'air si triste. Je ne faisais rien. Je m'ennuyais. Je pensais à vous. Je vous attendais. J'avais envie de vous voir. Je regardais les gens qui passaient. Je me demandais si vous alliez passer. Il y avait une jeune fille qui vous ressemblait à la table à côté. Elle souriait un peu comme vous. Mais ce n'était pas vous. J'avais l'air triste parce que j'étais triste. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir à la terrasse de l'escolier? Vous attendiez quelqu'un? Vous aviez l'air si triste. Je ne faisais rien. Je m'ennuyais. Je pensais à vous. Je vous attendais. J'avais envie de vous voir. Je regardais les gens qui passaient. Je me demandais si vous alliez passer. Il y avait une jeune fille qui vous ressemblait à la table à côté. Elle souriait un peu comme vous. Mais ce n'était pas vous. J'avais l'air triste parce que j'étais triste.